Document 3, page 96. Voilà les billets d'avion, et ça, c'est la location de voiture. Merci. À minuit, nous allons trouver quelqu'un à l'aéroport pour la voiture? Oui, le responsable de l'agence. Il y reste jusqu'à 2h du matin. Très bien. Je voudrais aussi réserver 2 chambres d'hôtel pour les 2 premières nuits. Vous avez l'hôtel Alaska, 3 étoiles, très confortable, au centre de Montréal. C'est parfait. L'hôtel a un restaurant? On peut y manger? Tout à fait. Et pour le reste du séjour, vous voulez réserver? Non, nous allons faire du camping dans les forêts. Il doit y faire très froid. Mais non, nous y allons toujours en mai. Nous y avons campé souvent avec les enfants. Et vous vous baignez dans les lacs? Une fois nous avons essayé, mais nous y sommes restés 15 secondes. C'est vraiment trop froid.